السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Chers frères et sœurs, nous remercions Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de se réunir pour la quatrième et la dernière fois en ce mois béni de Ramadan pour poursuivre la lecture et l'explication des recommandations de Luqman le sage à son fils, tirées des explications du noble Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullahu ta'ala. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous assister dans cela et de nous permettre de tirer profit de ces différentes recommandations. La semaine passée, nous avons expliqué le verset 17 de Sourate Luqman et nous avons tiré les leçons et les bénéfices de ce noble verset. Parmi les leçons que nous avons pu retenir, premièrement, il y a la place et le statut de la prière, l'accomplissement de celle-ci de la meilleure des manières. Également, le fait d'éduquer les enfants sur la prière. Parmi les leçons que nous avons retenues, il y a l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Également fait partie de l'ordonnance du bien l'appel au tawhid, à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bienfaisance avec les parents, l'accomplissement de la prière et le fait de se parer des nobles comportements. Fait également partie de la condamnation du mal et de son interdiction, la mise en garde contre le shirk, la mise en garde contre l'innovation, la désobéissance et les mauvais comportements. Nous allons, bi'iznillahi ta'ala, expliquer à travers la parole du Cheikh aujourd'hui les versets 18 et 19 de Sourate Luqman. Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets « Et ne détourne pas ton visage des hommes » et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. » Le noble Cheikh, qu'Allah le préserve, a dit par la suite, « Puis Luqman, le sage, dit à son fils, « Et ne détourne pas ton visage des gens. » C'est-à-dire, de ne pas détourner son visage par orgueil. Ne fais pas preuve d'orgueil ou d'arrogance envers les gens. Lorsque l'un d'entre eux te parle, en détournant ta joue, ceci fait partie de l'arrogance et de l'orgueil. Une personne te parle et toi tu te détournes de lui. Tu es hautain au lieu d'être humble à son égard. Il y a dans ce verset l'interdiction d'être orgueilleux et arrogant. Mais au contraire, le serviteur, où tu te dois d'être modeste et humble. Humble devant Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Modeste face aux serviteurs croyants. Et de jouir à leur égard d'un bon comportement. L'orgueil est un comportement très blâmable. Et ce comportement mène beaucoup de gens à mécroire en Allah. Ils s'enflent d'orgueil. Ils n'écoutent pas les versets d'Allah ni les directives des prophètes. Allah Azza wa Jal dit à cet effet dans Sourate Luqman verset 7. Dans le sens des versets, et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. L'orgueil fait partie des plus grande cause qui mène à la mécréance, à rejeter ce avec quoi les messagers sont venus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, l'orgueil c'est de refuser la vérité et de mépriser les gens. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Quant au rejet de la vérité dans le hadith, c'est-à-dire rejeter le tawhid ou toute autre vérité qui te parvient, c'est que tu ne te rabaisses pas face à cette vérité, mais au contraire, tu la rejettes, tu méprises celui qui te fait parvenir cette vérité. Tu rejettes sans droit la vérité qui se trouve chez ce dernier. L'orgueil est interdit dans tous les cas, car c'est un comportement odieux qu'Allah déteste. Il est rapporté dans le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahu azza wa jal a dit dans le hadith, Al-kibriya urida'i, wal-azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma, qazaftuhu finnar. Allahu azza wa jal a dit, l'orgueil est mon vêtement, et la grandeur est mon pagne, celui qui me dispute l'un des deux, je le jetterai en enfer. Ne sois donc pas orgueilleux, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, hadith rapporté par Muslim, n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur un atome d'orgueil. La yadkhulu al-janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin. Repousse et combat l'orgueil de ton âme. C'est un comportement odieux qui mène à la mécréance, au mépris des gens et au rejet de la vérité. Voilà pourquoi ce sage Luqman, qu'Allah lui fasse miséricorde, a recommandé et a enjoint à son fils de ne pas se détourner des gens et de ne pas faire preuve d'orgueil à leur égard. Une personne te parle et toi tu te détournes. Sois modeste, humble. Tu n'es qu'un être humain pauvre, faible, qui a été créé à partir de terre, à partir de spermatozoïdes. Tu es une créature qui a besoin d'accomplir ses besoins chaque jour. Comment peux-tu être orgueilleux après cela? Ensuite, Luqman, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à son fils dans le verset, « Et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Ne sois pas arrogant, prétentieux. Ces comportements sont les fruits de l'arrogance ou de l'orgueil. Et fait partie de l'orgueil, la démarche vaniteuse, l'arrogance et le déni. Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. La personne qui se vante auprès des gens de sa lignée, de son argent, de son autorité, de sa science, Allah n'aime pas ces comportements. Car c'est un comportement, ce sont des comportements qui sont odieux. Allah Azza wa Jal déteste ce genre de personnes et il les châtie durement à cause de ses comportements. Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Al-Isra, verset 37, « Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne saurais jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. » Le cheikh nous dit, « Qui es-tu? Même si tu atteignais la hauteur des montagnes en taille, il ne t'est pas permis d'être orgueilleux. Et quand bien même tu pouvais fendre la terre jusqu'à la septième terre, il ne t'est pas permis d'être orgueilleux, car tu n'es qu'une créature pauvre et fais partie des droits d'Allah sur toi que tu fasses preuve de modestie. Car l'islam combat les mauvais comportements, comme la turpitude, le mensonge, la trahison, la tricherie, l'orgueil. Il nous est obligatoire de les rejeter et d'éduquer les gens aux comportements opposés parmi les bons comportements qu'Allah aime et agrée. Et certes, le bon comportement fait partie des œuvres les plus lourdes dans la balance le jour dernier. Également, le croyant à la foi la plus complète est celui qui a le meilleur comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour parfaire les nobles traits de caractère, comme ceci a été rapporté dans les ahadiths. Ces nobles comportements qui étaient présents chez les prophètes, et parmi ces comportements il y a la pudeur. Ô mes frères, la pudeur est un grand comportement. La pudeur est un grand comportement et un comportement immense qui est également une branche de la foi. Celui qui est pudique, sa pudeur l'empêche de tomber dans la désobéissance, de tomber dans les mauvais comportements. Il est impératif et obligatoire à l'homme de se parer de la pudeur, car elle fait partie des plus grandes causes qui évitent à l'homme de tomber dans la désobéissance et dans les comportements vils. Voilà pourquoi les prophètes disaient, comme ceci nous est rapporté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, parmi ceux que les gens ont retenu et hérité des paroles des premiers prophètes, il y a, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce qu'il te plaît. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Celui qui s'adonne au polythéisme n'a pas de pudeur envers Allah. De même, l'innovateur n'éprouve en réalité aucune pudeur devant Allah, car il ne respecte pas cette législation. De même, le pervers n'éprouve aucune pudeur devant Allah en désobéissant à Allah Azza wa Jal. Ô mes frères, faites preuve de pudeur et rejetez tout comportement vil. Apprenez les bons comportements et appliquez-les dans votre vie de tous les jours. Qu'Allah vous bénisse. Et je vous rappelle le hadith ou le récit au sujet de la délégation de Abd al-Qais, récit qui a sa base dans l'authentique de Muslim. La délégation de Abd al-Qais est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont posé leur camp à proximité du cimetière de Baqir à Médine, où ils ont laissé leurs affaires et montures. Puis, à la suite de cela, ils se sont empressés vers le messager d'Allah, sauf un parmi eux qui faisait partie de cette délégation. Ce dernier tarda, il prit son temps, il enfila ses meilleurs vêtements. Ensuite, il vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une démarche pleine de sérénité et de quiétude. Il salua le prophète qui lui a dit après salutation, « Il y a chez toi deux caractéristiques qu'Allah aime, l'indulgence et la patience. » Le cheikh dit à la suite de cela, « Et le contraire de ces deux caractéristiques sont l'immoralité, la précipitation, l'irréflexion. » Prenez garde au comportement qui s'oppose à l'indulgence et à la patience. Ensuite, cet homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, ce sont deux caractéristiques que j'ai acquises ou bien elles sont innées en moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ce sont deux caractéristiques innées en toi. L'homme dit alors, louange à Allah qui m'a créé avec deux caractéristiques qu'il aime. Allah aime l'indulgence et la patience. Il aime également la douceur et il déteste la précipitation, l'irréflexion, l'immoralité et tout ce qui contredit les deux nobles comportements qui sont l'indulgence et la patience. Efforcez-vous donc de vous parer de ces deux comportements qu'Allah Azza wa Jal aime. Retenez ce hadith et éduquez vos âmes à ces enseignements, comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abi Sa'id ibn al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui s'abstient de la demande, Allah lui octroie la suffisance dans les biens. Celui qui se passe des gens, Allah l'enrichit. Celui qui s'efforce à patienter, Allah lui octroie la patience. Et personne ne reçoit un don meilleur et plus large que la patience. » Éduque donc ta personne à la patience, à l'indulgence, à la sagesse et au noble comportement. Par ton combat, le combat de ton âme, tu peux acquérir ces comportements si Allah le veut, comme le hadith nous l'indique. C'est-à-dire que l'indulgence et la patience, la douceur peuvent naître chez celui qui cherche à se parer des nobles comportements. Car l'âme est sujette et est prédisposée à une éducation bonne ou mauvaise. Si tu l'éduques sur le mal, celle-ci va grandir et accroître sur ce mal, jusqu'à ce qu'elle soit habituée à ce mal. Et c'est à Allah que nous demandons la protection. Alors que si tu éduques ton âme au bon comportement, elle s'habituera à ses comportements, jusqu'à ce que ses comportements soient une partie de sa vie ou de ta vie, et une acquisition pour toi. Retenez et mémorisez ces recommandations. L'unicité d'Allah, la lutte et la mise en garde contre le polythéisme, l'accomplissement de la prière, ordonner le bien, interdire le blâmable, l'application des nobles comportements, la lutte et la mise en garde contre l'orgueil, l'arrogance, ainsi que les comportements similaires. Apprenez ce qu'est l'indulgence, la patience, la douceur. Apprenez ces comportements à travers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ces bons comportements ont une place importante dans la religion et dans le prêche salafi, le prêche des pieux prédécesseurs. Avec les bons comportements, votre prêche se répandra et Allah vous élèvera auprès des gens, tandis qu'avec le mauvais comportement, le prêche s'affaiblit. Appelez donc les gens à Allah Azza wa Jal de la meilleure des manières. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, par la sagesse et l'exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Surat al-Nahl, verset 125. Ne discute avec les gens, les mécréants, que de la meilleure manière et avec un bon comportement, sans insulte, sans grossièreté, sans mépris, rien de tout cela. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit dans le verset 19 de Surat Luqman, « Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. » Luqman le sage, rahimahullah ta'ala, dit à son fils, « Sois modeste dans ta démarche, c'est-à-dire ne t'empresse pas dans ta démarche. Baisse ta voix, c'est-à-dire n'élève la voix que par nécessité à hauteur du besoin. » Ensuite, Luqman a dit à son fils, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. C'est-à-dire que si tu élèves la voix sans nécessité, tu seras alors semblable à cet animal. Les savants ont déduit de ce verset qu'il n'est pas permis d'élever la voix sans nécessité, car Allah Azza wa Jalla a assimilé celui qui élève la voix à l'animal le plus vil auprès des ânes, qui est l'âne. La voix doit être en fonction du besoin. La démarche également doit être modérée et équilibrée. Une démarche qui n'est pas nonchalante et qui n'est pas fougueuse. Marche comme les serviteurs d'Allah, qu'Allah a mentionné dans Sourate Al-Furqan, dans le verset 63. Il dit dans le sens, les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. À la suite de cela, le shir dit, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder, ainsi qu'à vous, une science bénéfique, des œuvres pieuses et des comportements nobles qu'Allah Azza wa Jal aime. Il dit également, et j'espère vraiment, ô mes frères, que nous prêtions l'oreille et notre attention à ces conseils ou à ces cours bénéfiques. Quelle est l'utilité d'assister à ces cours tous les jours pour ne pas œuvrer en fonction de cette science et donner après cela une mauvaise image de notre prêche? Quelle est l'utilité? J'implore Allah de faire de nous et de vous des gens de science bénéfiques, qu'il fasse de nous des gens au noble comportement. Certes, notre Seigneur est celui qui entend les invocations, et que les éloges d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Fin de l'explication du Cheikh de ces nobles versets de Surat Luqman. Qu'Allah le préserve, allonge sa vie et lui rétribue pour ses travaux. Après cela, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces différents versets et de ces explications? Premièrement, parmi les leçons que nous pouvons tirer de ces versets, il y a en cela l'interdiction d'être orgueilleux, arrogant, de mépriser les gens. Car l'orgueil fait partie des plus grandes causes qui mènent à la mécréance et à rejeter la vérité. De même, celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur ne rentrera pas au paradis, comme ceci a été mentionné dans le hadith précédent. Parmi les leçons à tirer de ces versets, à l'opposé de l'orgueil, l'obligation d'être humble et modeste face aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Parmi les causes qui aident à ne pas tomber dans l'orgueil et la vanité, il y a premièrement le fait d'implorer Allah de le préserver de ses comportements ignobles. Deuxièmement, de se rappeler d'où la personne vient, qu'il est faible, qu'il a été créé à partir de la terre, créé à partir d'une goutte de sperme. D'ailleurs, un pieux prédécesseur disait « Comment la personne peut être orgueilleuse et s'autosatisfaire alors qu'il est sorti par les voies urinaires à deux reprises ?» lorsqu'il était une goutte de sperme et lorsqu'il naquit. Parmi les leçons à tirer de ces versets, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas les orgueilleux. Allah Azza wa Jal n'aime pas l'orgueilleux, le présomptueux. Et ceci est tiré de sa parole, Allah n'aime pas le présomptueux, plein de gloriole. De ce point, nous pouvons tirer également deux caractéristiques d'Allahu Azza wa Jal, qui est l'amour. Allahu Azza wa Jal aime les gens de bien, les pieux, ceux qui obéissent à Allahu Azza wa Jal. De même, Allahu Azza wa Jal déteste. Il déteste les gens du mal et de la désobéissance. Parmi les leçons à tirer de ces versets, il y a l'obligation de se parer des nobles comportements, d'apprendre ces nobles comportements à travers le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers sa biographie. Comme la pudeur, l'indulgence, la douceur, la patience et tout autre noble comportement. Nous voyons également que les comportements peuvent être innés chez la personne ou peuvent s'acquérir, comme nous avons pu le voir dans le récit de la délégation de Abd al-Qais, lorsque cet homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam si les deux caractéristiques qu'Allah a aimées en lui étaient innées ou acquises. Il y a également dans ce verset l'obligation de s'éloigner des comportements odieux et ignobles, comme l'orgueil, l'arrogance, le mépris, le fait de rejeter la vérité, l'autosatisfaction et tout autre comportement similaire. Parmi les leçons que nous pouvons tirer de ces versets, il y a le fait d'être humble et modeste dans la manière de marcher et d'avoir de la retenue dans la voix et de ne pas élever la voix sans nécessité apparente. Parmi les leçons à tirer de ces versets, il y a le fait qu'Allah a assimilé celui qui élève la voix sans raison à l'animal le plus vil auprès des gens qui est l'âne. Voici les recommandations que Luqman le sage a données à son fils. Il a commencé par la chose la plus importante et la plus bénéfique pour la personne. Il a commencé par le tawhid, la mise en garde et la lutte contre le polythéisme. Ensuite, il a enseigné à son fils les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah est le puissant, celui qui cerne toutes choses de par sa science, qu'Allah est prompt à faire les comptes et que rien ne serait laissé, même pas la plus petite mesure, qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur des faits et gestes de ses serviteurs et qu'il est infiniment doux avec ces derniers. Voilà le tawhid que Luqman le sage, rahimahullahu ta'ala, enseigne à son fils. Voilà ce qui lui a valu le surnom de sage, car effectivement Allah Azza wa Jal lui a fait don de la sagesse. Ensuite, il a recommandé à son fils la prière, qui est la chose la plus importante après l'attestation de foi. Ensuite, il a recommandé à son fils d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, de patienter après cela sur les préjudices rencontrés. Et il a terminé ses recommandations à son fils en lui recommandant de se parer des nobles comportements et de délaisser les mauvais et de délaisser et de s'éloigner des mauvais comportements. Il convient donc à chacun d'entre nous d'appliquer ces précieuses recommandations dans nos vies et d'éduquer nos enfants, nos proches sur celles-ci. Car il y a à travers ces recommandations la félicité de l'homme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Sur ces dernières paroles s'achève la lecture et l'explication des recommandations de Luqman le sage à son fils, du noble cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Hafizahullahu ta'ala, on demande à Allah de le préserver, d'allonger sa vie et de le rétribuer grandement pour ses travaux. Nous demandons également à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'appliquer ses recommandations, de nous accorder une science bénéfique, que cette science soit un argument pour nous et non pas contre nous le jour dernier. Falhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته